bénéf qui lui manquait. Jamais il s'en vantait, aucune vie s'en vantait. L'Hollandais, l'Hollandais, on l'appelle l'Hollandais. L'Hollandais, son nom c'est l'Hollandais. L'Hollandais, l'Hollandais, fait partir plus de galettes qu'un boulanger. L'Hollandais n'a jamais pensé une seconde à se ranger. Il en a fait des drogués, fait partir ça c'est son soquet. Dans tous les quartiers coqués, l'Hollandais. C'est vu que la cité l'a oppressé. L'Hollandais, l'Hollandais.